Je suis le voyageur au-dessus de la mer de nuages. Je te respire, montagne du Rosenberg, sommet d'une quête spirituelle. Rêvons sur les nuées, j'ai déjà contemplé la forêt aux 3 heures. Comme le chasseur, entendant le corbeau à l'aune de grands bois, j'ai fait mien des secrets qui sont de beaux silences. Tombe d'Arminius dans la vallée rouge, songe de combattant. Thank you.